France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Depuis sa rencontre avec elle en 1912 jusqu'au mois d'octobre 1917, Franz Kafka écrivit plus de 500 lettres à Felice Bauer. Avec cette jeune berlinoise, Kafka se fiança deux fois avant de rompre avec elle définitivement. De cette liaison amoureuse, dont l'issue provoquée par lui-même pesa sans doute dramatiquement sur sa santé et les dernières années de sa vie, cette monumentale correspondance est un témoignage au jour le jour, quasiment heure par heure, traduisant toute la complexité de la relation qu'entretenait Franz Kafka avec les femmes et avec le mariage. La publication tardive de ses lettres offrit au lecteur de Kafka une source nouvelle de lumière sur son œuvre et sur son existence d'écrivain. En 1972, paraissait aux éditions Gallimard, dans la collection du monde entier, et en deux volumes, Les lettres à Felice de Franz Kafka. À l'occasion de cette parution, Pierre Cipriot et Bronislav Horowitz proposaient un numéro de Un livre des voix consacré à cette correspondance que présentait sa traductrice Marthe Robert. Un livre des voix, Lettres à Felice, une émission diffusée la première fois le 16 juin 1972 avec, pour la lecture des lettres de Franz Kafka, la voix de Jean Negroni. Un livre des voix. Aujourd'hui, Lettre à Felice de Franz Kafka, traduite par Marthe Robert, édition Gallimard, lecteur Jean Negroni. C'est une émission de Bronislav Horowitz, présentée par Pierre Cipriot. Les lettres de Franz Kafka à sa fiancée Felice Bauer, lettres écrites de 1912 à 1917, viennent de paraître aux éditions Gallimard en deux volumes de la collection du monde entier. Ces deux livres, qui font ensemble près de 900 pages, vont être présentés ce soir par Bronislav Horowitz. Traduites de l'allemand par Marthe Robert, ces lettres sont précédées d'une introduction de Erich Heller, et Erich Heller montre bien la continuelle hésitation qui partagea Franz Kafka, tenté à la fois par le mariage, une vie normale, le monde réel et l'isolement dans l'œuvre littéraire. Le monde, a écrit Franz Kafka, et Felice est sa représentante, le monde et mon moi, dit-il, déchirent mon corps par un antagonisme insoluble. Ce conflit, Kafka l'a porté dans sa vie, mais aussi dans toute son œuvre. Et je crois que rien n'éclaire mieux le sens général de cette œuvre que cette correspondance, où l'intelligence de l'écrivain exerce une action paralysante et définitive. Avant de commencer la lecture des lettres de Franz Kafka à Felice, quelques mots donc sur l'œuvre de Kafka et le monde et la société. Par un art tout réaliste, mimétique, Kafka a voulu saisir les hommes en suggérant le monde sous l'aspect de ses routines, des mensonges, des conventions qu'il organise, et que nous acceptons ou feignons d'accepter parce que nous devons jouer le jeu pour faire partie de la société. Poussé jusqu'à l'absurde, dont Kafka a forgé les thèmes, les principes, les lois, comme Proust a découvert le monde du temps, cette vie anonyme que nous menons tous, il la rend insoutenable pour dégager à la longue la vérité et la pureté qui sont en nous. De là, dans ses romans, une méthode étrange, ambiguë, détournée, qui laisse la part belle à l'adversaire, lui donne raison, le montre avec ses impressions, ses idées, ses sensations de toute espèce. L'autre, dans ses livres, engloutit la conscience du narrateur dans le milieu social qui est hiérarchique et autoritaire. Chez Kafka, tout le monde est fonctionnaire. La société constitue l'univers exclusif et absolu de l'individu. Même les adversaires ne sont que les membres antagonistes d'un même système qu'on ne peut ni abattre, ni abolir, ni dissoudre. Les colères, les refus, Les efforts vers la liberté ne sont que les tremblements de la machine. Cet anéantissement est d'autant plus profond qu'il s'agit de la partie la plus docile et la plus malléable de nous-mêmes, de notre esprit, des combinaisons du langage et de l'imagination. Comment échapper à tout ce que l'on croit croire et pense penser, du fait même qu'on vit collectivement? Dès son arrestation, K, dans le procès, est pris dans un écheveau de symboles, la loi, le tribunal, le juge. Ces symboles peuvent lui apparaître provisoires, injustes, simplices. Il ne peut en récuser la valeur logique, puisque tout cet appareil repose sur un ordre auquel il participe en tant qu'individu social, même si cet ordre le rudoie, le change, fait de lui un prisonnier et un coupable. L'homme a le choix entre nier les relations avec la société et disparaître en tant qu'individu, puisque seul on n'est rien, ou céder au monde extérieur, entretenir un univers factice dont on devient la victime. À la limite, on ne peut connaître le réel qu'en acceptant la vanité et la naïveté de ses applications. Est réel ce qui s'impose, la raison, la loi, la justice, qui sont des valeurs d'utilité publique. En ce sens, les grandes œuvres de Kafka montrent l'inhumanité d'un monde trop bien ajusté à l'homme. Pour cacher sa solitude profonde, dans un univers sans Dieu, sans consistance, l'homme a voulu que la voix de Dieu sorte d'une bouche humaine. Il a voulu que ce qui n'existe pas existe. L'homme a accru le monde extérieur, lui a prêté une simplicité, une continuité, une nécessité, une symétrie qui finissent par exclure l'individu et son besoin profond d'être compris. Dans cette société, l'individu ne se reconnaît plus, tout lui échappe. La solide délimitation du corps humain est terrible. À deux, écrit Kafka, on se sent plus abandonné que seul. Est-il avec un autre? Cet autre tend la main pour le saisir et il est livré sans défense à cette main. Est-il seul? C'est l'humanité tout entière qui tend la main pour le saisir, mais les innombrables bras tendus se prennent les uns dans les autres et personne ne parvient jusqu'à lui. Donc, selon Kafka, on a le choix entre vivre un rêve collectif où nous perdons toute réalité, ou nous réveiller de ce rêve et donc de ce monde qui alors nous apparaît comme un cauchemar où l'on ne peut plus accepter de vivre. Tel est Kafka romancier, tel est Kafka amoureux. Chère mademoiselle Félice, ne me tenez pas rigueur pour cette fois de cette façon de m'adresser à vous, car si je dois vous décrire ma manière de vivre, comme vous me l'avez demandé plusieurs fois, il me faudra probablement dire une ou deux choses scabreuses pour moi qu'en face d'une mademoiselle, je n'arriverai guère à faire sortir. Du reste, cette innovation ne peut pas être quelque chose de bien terrible, sinon je ne l'aurais pas conçue avec un aussi grand et aussi durable contentement. Ma vie, au fond, consiste et a consisté depuis toujours en tentatives pour écrire, et le plus souvent en tentatives manquées. Mais lorsque je n'écrivais pas, j'étais par terre, tout juste bon à être balayé. Or, depuis toujours, mes forces sont misérablement réduites, et bien que je ne l'aie pas reconnu ouvertement, le résultat en a été tout naturellement que j'ai dû faire des économies de tous les côtés, que j'ai dû me résoudre à me priver un peu dans tous les domaines afin de garder des forces à la rigueur suffisante pour ce qui me paraissait être mon but essentiel. Là où je ne le faisais pas de moi-même, mon Dieu, pas un instant de répit au bureau, même en ce jour de fête où je suis de garde, les visiteurs se suivent comme un petit enfer déchaîné et où je cherchais en quelque manière à me surpasser, j'étais automatiquement repoussé, lésé, couvert de honte, à jamais affaibli. Mais cela même qui me rendait passagèrement malheureux, c'est justement ce qui m'a donné confiance en moi au cours du temps, et je me suis mis à croire qu'il devait y avoir quelque part, encore qu'elle fût difficile à trouver, une bonne étoile sous laquelle on pouvait continuer de vivre. Une fois, je me suis fait une liste détaillée de ce que j'ai sacrifié à la littérature, et de ce qui m'a été ôté à cause d'elle, ou plus exactement, de ce dont la perte n'était supportable qu'en vertu de cette explication. Et effectivement, de même que je suis maigre, et je suis la créature la plus maigre que je connaisse, ce qui veut dire quelque chose étant donné que j'ai déjà beaucoup fréquenté les sanatoriums. De même, il n'y a rien en moi qui, eu égard à la littérature, puisse être qualifié de superflu, et de superflu dans le bon sens du mot. Donc, s'il y a une puissance supérieure qui veut m'utiliser ou qui m'utilise, je suis dans sa main comme un instrument à tout le moins nettement dégrossi. Sinon, je ne suis absolument rien, et je me trouverai soudain resté, pour compte, dans un vide effroyable. Maintenant, ma vie s'est élargie des pensées que je vous consacre. Il n'y a guère de quart de ma vie éveillée que je n'ai pensé à vous, et il y en a beaucoup pendant lesquelles je ne fais pas autre chose. Mais même cela est en rapport avec ma littérature. Je suis déterminé uniquement par les oscillations de mon travail, et à une époque de production languissante, je n'aurais sûrement pas eu le courage de me tourner vers vous. Ma façon de vivre est organisée uniquement en fonction de la littérature, et si elle subit des modifications, c'est uniquement pour répondre le mieux possible aux nécessités de mon travail, car le temps est court, les forces sont minimes, le bureau est un lieu de terreur, l'appartement est bruyant, et il faut tâcher de se tirer d'affaire par des tours de force, puisque cela ne se peut pas grâce à une belle vie droite. La satisfaction due à la réussite d'un pareil tour de force en matière d'emploi du temps n'est certes rien à côté de l'éternelle calamité de la fatigue, car celle-ci se marque infiniment mieux et plus clairement dans le texte que ce qu'on voulait écrire en réalité. Très chère mademoiselle, ainsi je ne vous ai pas perdue. Et déjà, j'en étais vraiment persuadé. Cette lettre dans laquelle vous me déclariez trouver une de mes lettres bizarres, elle m'avait épouvanté. J'y voyais la confirmation involontaire, mais d'autant plus décisive, d'une malédiction à quoi, ces derniers temps, justement, je croyais avoir échappé à tout le moins en grande partie, et dont, en subissant ce dernier coup, j'allais être une fois de plus la proie. J'étais incapable de me ressaisir, incapable de vous écrire. Mes deux lettres de samedi n'étaient qu'artifice de bout en bout. Seule était vraie ma conviction que tout était fini. Faut-il attribuer une signification au fait que juste au moment où j'écris ce mot, ma mère entre chez moi en pleurant et que, décomposée par les larmes, elle est sur le point d'aller au magasin, elle est toute la journée au magasin, tous les jours, depuis déjà 30 ans. Elle me caresse, veut savoir ce que j'ai, pourquoi je n'ouvre pas la bouche à table. Mais je me tais déjà depuis longtemps, précisément parce que je dois tenir bon, et bien d'autres choses encore, pauvre mère. Mais je l'ai très raisonnablement consolée, je l'ai embrassée, je l'ai finalement fait sourire. J'ai même obtenu que, les yeux déjà à moitié secs, elle me gronde assez énergiquement à cause de mon habitude de ne pas goûter, que je pratique d'ailleurs depuis des années. C'est que je sais, elle ne sait pas que je le sais, ou plus exactement, que je l'ai appris avec quelque retard, d'où vient l'extrême souci qu'elle se fait pour moi. Mais j'y reviendrai une autre fois. Mademoiselle Félice, je vais vous présenter une demande qui paraît véritablement folle, et je n'en jugerai pas autrement si c'était moi qui recevais la lettre. Mais c'est aussi l'épreuve la plus dure qu'on puisse imposer au meilleur des êtres. La voici donc. Ne m'écrivez plus qu'une fois par semaine, et de telle sorte que je reçoive votre lettre le dimanche. Car je dois vous le dire, je ne supporte pas vos lettres quotidiennes, je ne suis pas en état de les supporter. Je réponds par exemple à votre lettre, et ensuite, je suis apparemment bien tranquille dans mon lit, mais des palpitations me traversent tout le corps, et mon cœur ne connaît que vous. Comme je t'appartiens, c'est vraiment la seule possibilité de l'exprimer, et elle est trop faible. Mais voilà justement pourquoi je ne veux pas savoir comment tu es habillée, car le fait de ne pas pouvoir vivre me bouleverse, et voilà pourquoi je ne veux pas savoir que tu es bien disposée pour moi, car alors, pour quelle raison, fou que je suis, restais-je à mon bureau ou chez moi, au lieu de me jeter dans le train les yeux fermés pour ne les rouvrir que lorsque je serai près de toi? Oh, j'ai une grave, grave raison de ne pas le faire. Et en bref, j'ai tout juste assez de santé pour moi, mais cela ne suffit déjà plus pour me marier, encore moins pour avoir des enfants. Mais quand je lis ta lettre, je pourrais fermer les yeux sur plus de choses qu'il n'y en a à perte de vue. Que n'ai-je déjà ta réponse? Et quels affreux tourments je t'inflige, comme je te force à lire cette lettre dans ta chambre silencieuse, cette lettre plus abominable qu'aucune de celles qui furent jamais sur ta table. Vraiment, j'ai parfois l'impression de me repaître comme un fantôme de ton nom porte-bonheur. Que n'ai-je envoyé ma lettre de samedi dans laquelle je te conjurais de ne plus jamais m'écrire en te faisant la même promesse pour ma part? Seigneur, qu'est-ce qui m'a retenu de l'envoyer? Tout serait bien. Mais maintenant, y a-t-il encore une solution de paix? À quoi bon ne plus nous écrire qu'une fois par semaine? Non, il serait bénin le mal qu'on pourrait supprimer par de tels moyens, et je le prévois, ces lettres du dimanche, je ne pourrais pas non plus les supporter. C'est pourquoi, voulant réparer ce que j'ai négligé samedi, je t'en prie, avec la force qui faiblit déjà un peu à la fin de cette lettre, renonçons à tout cela si nous tenons à notre vie. Aurais-je eu l'intention de me dire « tiens » en signant? Rien ne serait plus faux. Non, je suis mien et éternellement lié à moi, voilà ce que je suis, et il faut que je tâche de m'en accommoder. Tu sais, le « tu » n'est quand même pas le remède que je croyais. Et aujourd'hui, autrement dit le deuxième jour, il ne fait pas ses preuves. J'aurais vraiment pu être tranquille et rien ne serait plus explicable que le manque de lettres aujourd'hui, mais qu'est-ce que je fais? Je cours en tous sens, dans les couloirs. Je regarde les mains de tous les huissiers, je donne des ordres inutiles, rien que pour pouvoir envoyer quelqu'un en bas au courrier, car je suis au quatrième. Le courrier est trié en bas. Nos facteurs ne sont pas ponctuels. En outre, nous avons des élections directoriales. Le courrier est énorme et d'ici qu'on ait retiré ta lettre de ces tas idiots, moi en haut, j'aurais eu le temps de périr d'impatience. Par méfiance contre le monde entier, je finis par descendre moi-même et naturellement je ne trouve rien. Car s'il y avait quelque chose, je l'aurais sûrement eu sans tarder, vu que j'ai imposé à trois personnes l'obligation de me monter ta lettre avant tout autre courrier. À cause de la tâche qui leur incombe, ces trois-là méritent d'être nommés. Le premier, c'est l'huissier Merkel. Un homme humble et complaisant, mais j'ai pour lui une insurmontable aversion parce que j'ai observé que lorsque mes espoirs reposent principalement sur lui, ta lettre n'arrive que très rarement. Dans ces cas-là, l'air involontairement cruel de cet homme me pénètre jusqu'au moelle. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. J'aurais eu envie de le frapper, ou tout au moins de frapper sa main vide. Et pourtant, il semble prendre part à mes affaires. Je n'ai pas honte d'avouer que plus d'une fois, lors de semblables jours creux, je lui ai demandé si, à son avis, j'aurais une lettre le lendemain. Et toujours, il s'en est dit convaincu en me faisant force courbette. Un jour, je viens d'y repenser, que j'attendais une lettre de toi avec une certitude insensée, sans doute était-ce encore pendant ce terrible premier mois, il m'a annoncé dans le couloir que la chose était arrivée et qu'il l'avait posée sur ma table. J'y cours, mais une fois là, je ne trouve qu'une carte postale de Max qui venait de Venise et représentait l'amour maître du monde, un tableau de Bellini. Or, dans un cas particulier douloureux pour son propre compte, qu'a-t-on à faire des généralités? Le deuxième messager est Votava, le chef des expéditions, un petit vieux célibataire qui a un visage tavelé, offrant les nuances de taches les plus diverses et tout hérissé de poils de barbe. Il est toujours en train de susauter un Virginia avec des lèvres humides, mais il est surnaturellement beau lorsqu'apparaissant dans l'encadrement de la porte, il tire ta lettre de sa poche intérieure et me la tend. Ce qui, bien entendu, n'est pas à proprement parler dans ses attributions. Il doit en soupçonner quelque chose, car lorsqu'il a le temps, il cherche toujours à devancer les autres sans craindre les quatre étages. D'un autre côté, il est vrai, il m'est pénible de penser que pour pouvoir me la porter lui-même, il la cache parfois de l'huissier qui, lui, pourrait de temps en temps me la porter plus tôt. Mais voilà, les choses ne vont jamais sans trouble. Mon troisième espoir est Mademoiselle Böhm. Elle, au moins, change la remise de la lettre en événement positivement heureux. Elle entre d'un air radieux et me tend la lettre comme si en apparence elle venait de quelqu'un d'autre, mais qu'en réalité, elle nous concerna tous les deux, elle et moi. S'il advient que la lettre ait été apportée par l'un des deux autres et que je le lui dise, elle en pleurerait presque et prend la ferme résolution de guetter mieux le lendemain. Mais la maison est très grande, nous avons plus de 250 employés et un autre peut facilement happer la lettre au passage. Aujourd'hui, aucun des trois n'a eu de travail. Je suis curieux de savoir combien de fois je vais encore le répéter, étant donné qu'il était absolument exclu que j'eusse une lettre aujourd'hui. Je n'ai d'ailleurs été inquiet qu'aujourd'hui, en ce jour de transition. Si tu n'écris pas après la lettre de demain, je ne m'en soucierai plus du tout. Autrefois, je me disais, elle n'écrit pas, et c'était affreux. Désormais, je dirais, alors chérie, tu es allée te promener, et je ne pourrai que m'en réjouir. Au fait, à quelle heure as-tu reçu ma lettre nocturne ? Or, aujourd'hui, il était vraiment grand temps que ta lettre arrive. Je n'ai pas ton caractère résolu, je ne voulais pas partir pour Berlin. J'étais seulement décidé à ne pas me lever avant de l'avoir reçue, et cette décision ne me demandait pas de force particulière. J'étais tellement triste que je ne pouvais tout bonnement pas me lever. De plus, j'avais l'impression que dans la nuit d'hier, mon roman était devenu beaucoup plus mauvais. J'étais tombé au plus bas et en même temps, j'avais encore le souvenir le plus clair de mon bonheur après ta lettre recommandée. Et moi qui étais si misérable, je me voyais positivement continuer à marcher en haut dans le bonheur. La nuit d'avant-hier, j'ai rêvé de toi pour la deuxième fois. Un facteur m'a porté deux lettres recommandées de toi. Une dans chaque main. Il me l'étendait avec un mouvement d'une précision merveilleuse qui faisait sauter ses bras comme les bielles d'une machine à vapeur. Seigneur, c'étaient des lettres enchantées. Je pouvais tirer des enveloppes, autant de feuillets écrits que je le voulais. Jamais elles ne se vidaient. Je me trouvais au milieu d'un escalier. Et si je voulais sortir, tout ce qui restait dans les enveloppes, il me fallait, pardonne-moi, jeter sur les marches ce que j'avais déjà lu. Tout l'escalier était couvert du haut en bas d'une couche épaisse de ces pages déjà lues, et le papier élastique des feuilles volantes empilées crissait puissamment. C'était un vrai rêve de désir. Marthe Robert, que signifie cette correspondance par rapport à l'œuvre de Kafka ? Cette correspondance qui d'ailleurs tranche complètement sur le concept même de correspondance d'un grand écrivain, je crois que on n'en connaît pas d'autres exemples, n'est-ce pas ? Ce sont des lettres, les lettres de Kafka, bien sûr, et ce sont des lettres d'amour. Mais je crois que là, il faut d'emblée corriger un petit peu ce que nous entendons par lettres, et même ce que nous entendons par lettres d'amour. Car ce sont vraiment des textes tout à fait extraordinaires, n'est-ce pas ? Qui, en un sens, sont de la littérature à l'état naissant. C'est-à-dire, bien sûr, les lettres sont destinées à Felice, et Felice les reçoit, et Felice y répond. Mais d'un autre côté, et c'est ça l'intérêt, là je crois répondre presque trop vite à la question que vous m'avez posée, c'est ça l'intérêt énorme de ces lettres pour comprendre Kafka, c'est qu'en même temps, tout en étant vraiment un instrument de communication, ce sont aussi des textes de Kafka, et qui nous renseignent, bien sûr, sur ses sentiments, sur ses goûts, sur ses idées, toutes choses qu'on ne voit pas dans ses livres, car il les en a justement exclus, n'est-ce pas ? Mais qui nous renseigne aussi sur ce qu'était pour lui la littérature. Et de ce point de vue, je dois dire que on peut presque déplorer que ces lettres à Felice viennent si tard dans notre connaissance de l'œuvre de Kafka. Car si on les avait connues plus tôt, je crois qu'un certain nombre d'interprétations complètement erronées sur son compte, sur sa personne, sur la place qu'il faut donner à ses écrits, auraient été évitées. Je sais bien que ce sont des considérations tout à fait oiseuses, n'est-ce pas ? On ne peut pas réécrire l'histoire. Il se trouve que nous avons eu les textes de Kafka dans l'ordre et qu'il était possible à l'époque. Mais maintenant que son œuvre complète est publiée, en allemand, en français, dans la plupart des langues connues, n'est-ce pas ? Maintenant que nous avons vraiment l'ensemble, nous pouvons voir justement d'où partaient les erreurs, je pourrais dire nos erreurs, car j'en ai fait aussi, bien entendu. D'où partaient-elles ? Eh bien, de cette idée que Kafka, d'abord, parlait toujours dans l'absolu, de l'absolu. Par conséquent, on ne pouvait déchiffrer son œuvre qu'à partir des chiffres les plus sublimes, les plus élevés, si vous voulez, dans le langage et dans la pensée. Par exemple, le fait qu'il présentait des personnages n'ayant pas de nom, pas d'état civil, mal situés, placés dans des villes dont on ne reconnaissait pas le visage, qui n'avaient ni géographie ni histoire, a incité à toutes sortes de commentaires. Je ne veux pas maintenant passer en revue tout ce qu'on a pu dire là-dessus, disant simplement que, au fond, l'interprétation de Kafka est le résumé de toutes les idées importantes et de toutes les idées à la mode que nous avons pu nous énoncer en 30 ans. C'est-à-dire que l'interprétation de Kafka ne vise pas Kafka, mais tout ce que l'époque a pensé. Bon, c'est déjà un caractère un peu particulier chez un écrivain de provoquer cela. C'est donc plus une sorte d'auto-exégèse qu'une correspondance amoureuse avec un être qui, suivant Kafka lui-même, portait un visage vide et qui portait, excusez-moi de cette redite, franchement, son vide. Oui, oui. La personne de Felice, telle qu'elle est décrite là, intrigue évidemment beaucoup le lecteur, s'il se souvient de ce passage du journal que vous venez de citer. Et oui, pourquoi cet amour, pourquoi cette passion qui dure 5 ans, qui provoque un drame épouvantable dans la vie de Kafka, et finalement, sa mort, n'est-ce pas, car cette tuberculose à laquelle il succombe au bout de 5 ans, c'est un suicide différé, ce que lui-même a très bien dit et compris, n'est-ce pas, pourquoi une femme insignifiante, pas belle, pas séduisante, on connaît un ou deux portraits d'elle qui sont vraiment sans charme, d'ailleurs Kafka met ce mot dans la description que vous citez, n'est-ce pas, cheveux cassés, ternes, sans charme. Felice donc n'a pas de charme. Elle n'a rien qui apparemment puisse provoquer une pareille passion. Et pourtant, Kafka l'a aimée. Mais là, ce que je disais tout à l'heure à propos des lettres d'amour, je me reviens encore à l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire aimer dans ce cas-là, n'est-ce pas ? Il y a une chose qui me frappe dans les rapports de Felice et de Kafka, c'est le métier de Felice. Felice travaillait, rappelons à ceux qui n'ont pas encore lu l'ensemble de cette correspondance, elle travaillait dans une maison qui fabriquait des dictaphones. Et à la lumière de ce fait, cette volumineuse correspondance de Kafka prend une lumière toute particulière. Oui, je crois que les objets fabriqués par la firme Lindström où travaillait Felice étaient moins importants que le travail même de Felice, sa compétence, l'extraordinaire énergie qu'elle montrait, en somme comme femme d'affaires, n'est-ce pas ? Or, cette fille qui avait 25 ans à peu près quand elle a rencontré Kafka la première fois, en 1912, il ne faut pas oublier que ce n'était pas si fréquent qu'une jeune fille issue d'un milieu petit bourgeois ait un poste aussi important. Au bout de quelques années, Felice est devenue la fondée de pouvoir. La fondée, il n'y avait même pas, j'emploie un féminin, impossible, le fondée de pouvoir, n'est-ce pas, de cette maison qui était tout de même très importante, qui avait des succursales un petit peu partout en Europe, qui en avait une à Prague d'ailleurs, que Kafka allait regarder de loin, n'est-ce pas, parce qu'elle lui rappelait Felice. Et cette virilité, disons, on pourrait dire, dont Felice faisait preuve, comptait certainement beaucoup dans l'attrait qu'elle avait pour Kafka. Pourquoi ? Eh bien, parce que il faudrait, pour comprendre un petit peu cette histoire ténébreuse, se représenter ce qu'était le mariage pour Kafka. Je crois que cela, ça lui était très particulier. Et aujourd'hui, certainement, de pareilles façons de voir, de pareilles façons de sentir paraîtront très étrangères, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il attendait du mariage ? Eh bien, pour lui, le mariage était véritablement un acte décisif, non pas tellement parce qu'on s'engage à jamais, ou parce que pas du tout pour ça, pas du tout. Mais parce qu'il y voyait le seul moyen pour lui, homme qui n'était pas d'ici, comme il dit, homme qui venait d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'était pas né, qu'il n'était pas au monde, qu'il n'avait aucun contact réel avec ce monde-ci, il y voyait le seul moyen, au fond, de pouvoir poser le pied sur le sol commun des hommes, y vivre, y travailler, et par là, justifier sa vie. Ça paraît évidemment tout à fait extraordinaire, n'est-ce pas ? Non, ça ne me suffit pas. Je t'ai demandé si ce n'était pas surtout de la pitié que tu ressens pour moi, et j'ai motivé ma question. Tu te contentes de répondre non. Mais pourtant, j'étais bien un autre homme à l'époque où je t'ai écrit la première lettre. Cette lettre dont j'ai retrouvé le double il y a quelques jours, c'est le seul double de lettre que je possède en rangeant superficiellement mon bureau. Il n'est jamais rangé que superficiellement. J'étais différent, tu ne pourras pas le nier, et quoique je sois tombé ça et là, je me ressaisissais toujours facilement. T'ai-je donc induit en erreur jusque dans ces tristes temps? Il n'y a que deux possibilités, ou bien tu n'éprouves pour moi que de la pitié. Dans ce cas, pourquoi tenter de me frayer un passage dans ton amour, te barrer tous les chemins, te forcer à m'écrire tous les jours et à penser à moi, te tyranniser avec l'amour impuissant d'un impuissant et ne pas chercher plutôt un moyen de te libérer de moi avec ménagement, jouir seul en silence de la conscience d'être pris en pitié et être digne de cette pitié au moins en cela? Ou bien ce n'est pas exclusivement de la pitié, mais tu as été induite en erreur au cours de ces 6 mois. Tu n'as pas un aperçu juste de mon caractère lamentable. Tu fermes les yeux sur mes aveux et tu t'empêches inconsciemment d'y croire, si fort que tu y sois poussé, d'autre part, en vertu de ta nature. Mais alors, pourquoi ne pas rassembler tout ce qui me reste afin de t'expliquer clairement la situation? Pourquoi ne pas choisir les mots les moins équivoques et les plus brefs, qui ne peuvent être négligés ni mal compris ni oubliés? Serait-ce que j'ai encore je ne sais quel espoir, ou que je joue avec un espoir de ce genre, m'imaginant que tu me seras conservé? S'il en est ainsi, et il semble bien parfois qu'il en est ainsi, il est de mon devoir de sortir de moi-même et de te défendre contre moi sans aucun égard. Cet après-midi, je me suis promené tout seul, les mains dans les poches, et je suis allé très loin sur les collines en longeant le cours du fleuve. Je ne dirais pas que je me sentais bien. Je devais continuellement me répéter que je m'étais peut-être toujours senti aussi mal, que les mêmes fantômes étaient toujours à l'œuvre, mais que ma résistance était beaucoup plus grande autrefois, et qu'elle diminue de plus en plus. Que bientôt ce ne sera plus qu'une résistance formelle et que même cela finalement devra cesser. Il est vrai, je me suis toujours étonné de la solidité de ma tête, qui, en apparence par incompréhension, a toujours tout repoussé loin d'elle. Cependant, ce n'était pas de l'incompréhension, mais une solidité révolue depuis longtemps. Je viens à dessein de passer 1 heure avec ma famille, afin de retrouver un peu mon chemin au sortir de la solitude. Mais je n'ai pas retrouvé mon chemin. Tu te rends certainement bien compte de ma situation particulière. Entre toi et moi, il y a le médecin, indépendamment de tout le reste. Ce qu'il dira est douteux. Ce n'est pas tant le diagnostic médical qui décide en l'occurrence. S'il en était ainsi, il n'aurait pas lieu de le réclamer. Comme je te l'ai dit, je n'ai jamais été vraiment malade et pourtant je le suis. Il est possible que d'autres conditions d'existence puissent me guérir, mais ces conditions d'existence, il n'est pas possible de les créer. Ce qui emportera la décision médicale, laquelle je puis te le dire dès maintenant, ne sera pas nécessairement une décision pour moi, ce sera uniquement le caractère du médecin inconnu. Dans son irresponsabilité stupide, mon médecin de famille, par exemple, ne verrait pas le moindre obstacle, au contraire. Un autre meilleur que lui lèvera peut-être les bras au ciel. Or, songe-y, Félix. Eu égard à cette incertitude, le mot est difficile à prononcer. Du reste, il ferait une singulière impression. C'est qu'il est trop tôt pour le dire. Mais après, en revanche, il sera déjà trop tard. Après, nous n'aurons plus le temps de discuter le genre de choses que tu évoques dans ta dernière lettre. Toutefois, nous n'avons plus le temps de beaucoup tergiverser, du moins je le ressens ainsi. Voilà pourquoi je te demande, veux-tu, à la condition malheureusement inéluctable que je mentionne ci-dessus, veux-tu être ma femme? Le veux-tu? Je me suis arrêté là il y a quelques jours. Et depuis, je n'ai pas continué. Je comprends très bien pourquoi je ne l'ai pas pu. En effet, c'est au fond une question criminelle que je te pose. Je le constate une fois de plus à ta lettre d'aujourd'hui, mais cette question, Les forces qui triomphent dans le conflit sont celles qui doivent la poser. Ce que tu dis à propos d'égalité et de choses semblables n'est rien qu'imagination, si toutefois cela n'est pas destiné à cacher autre chose, sans que tu en aies conscience, naturellement. Car je ne suis rien, rien du tout. Je ne peux pas vivre avec les gens, je hais sans réserve tous mes parents, non parce que ce sont mes parents, non parce que ce seraient des êtres mauvais, non parce que je n'aurais pas de la meilleure opinion, ce qui n'élimine pas du tout la terrible crainte, comme tu le crois, mais tout simplement parce que ce sont les êtres qui me sont le plus proches. Je ne peux pas supporter la vie commune avec les êtres et je n'ai même presque pas la force de le ressentir comme un malheur. Lorsque je les vois en dehors de toute participation, presque tous les êtres me donnent de la joie, mais cette joie n'est pas si grande que, à supposer réunies toutes les conditions physiques requises, je ne puisse être incomparablement plus heureux dans le désert, dans un bois sur une île, que je ne le suis ici, dans ma chambre, entre la chambre à coucher et la salle de séjour de mes parents. Je n'avais certes pas l'intention de te faire du mal, et je l'ai fait. En conséquence, je n'aurai jamais l'intention de te faire du mal, et je le ferai toujours. L'affaire des renseignements est sans importance pour l'instant. Comme elle voulait en parler d'abord à mon père, ma mère n'a rien mis en route vendredi. Samedi, il n'y a pas eu de réponse de toi. Dans le sentiment de culpabilité que j'éprouve envers toi, j'ai dit à ma mère d'attendre, puis comme il n'y a pas eu de lettre dimanche, je lui ai retiré l'après-midi l'autorisation que je lui avais donnée. Garde-toi, Félix, de juger la vie banale. Si banal doit signifier monotone, simple, mesquine. La vie n'est que terrible. Cela, je le ressens comme bien peu en sont capables. Souvent, et dans mon fort intérieur peut-être continuellement, je doute d'être un être humain. L'offense que je t'ai faite n'est que l'occasion fortuite qui me permet d'en prendre conscience. Je ne sais vraiment plus que faire. Que deux hommes luttent en moi, tu le sais. Que le meilleur des deux t'appartienne, c'est ce dont ces jours-ci je doute précisément le moins. Pendant 5 ans, tu n'as pas manqué d'être informé du déroulement de ce combat. Tu l'as été par mes paroles et mon silence et leur mélange. En général, pour ton tourment. Si tu me demandes si c'était toujours véridique, je ne puis te répondre que ceci. Je n'ai avec personne aussi fortement réprimé, ou pour être plus précis, plus fortement réprimé mes mensonges conscients que je ne l'ai fait avec toi. Il y a eu bien des dissimulations, des mensonges, très peu, en supposant qu'il puisse y avoir très peu de mensonges en soi. Je suis un être mensonger. Je ne peux pas rester en équilibre autrement. Ma barque est très fragile. Si je me sonde pour connaître mon but final, je constate que je n'aspire pas véritablement à être bon et à me conformer aux exigences d'un tribunal suprême, mais tout à l'opposé, que j'essaie d'embrasser du regard la communauté des hommes et des bêtes tout entière, de comprendre ses prédilections fondamentales, ses désirs, son idéal moral, de les ramener à des préceptes simples et de commencer aussi vite que possible à évoluer dans ce sens, à seule fin d'être agréable absolument à tout le monde, et si agréable même, c'est là qu'est le bon, qu'il me soit finalement permis en ma qualité d'unique pêcheur, qu'on ne fait pas rôtir, d'accomplir ouvertement aux yeux de tous et sans perdre l'amour général, les ignominies qui me sont immanentes. En résumé, seul m'importe donc le tribunal des hommes et par surcroît c'est celui-là que je veux tromper, sans qu'il y ait tricherie toutefois. Applique cela à notre cas qui n'est pas n'importe lequel, mais bien plutôt mon cas vraiment représentatif. Tu es mon tribunal humain. C'est deux qui se battent en moi, ou plus exactement dans le combat, à part un petit reste martyrisé, et ce qui me constitue. Ces deux-là sont un homme bon et un mauvais. Par moments, ils échangent leurs masques. Le combat confus n'en devient que plus confus encore. Mais pour finir, j'ai pu croire, malgré tout, avec des revirements jusqu'à ces tout derniers temps, j'ai pu croire qu'il adviendrait le plus invraisemblable. Cet invraisemblable qui toujours est apparu au sentiment ultime comme quelque chose de rayonnant, le plus vraisemblable aurait été combat éternel, et que moi, rendu pitoyable, misérable par les ans, j'aurai tout de même le droit de t'obtenir. » Il s'avère tout à coup que la perte de sang était trop grande. Le sang que l'homme bon, désormais nous l'appellerons l'homme bon, a versé pour te gagner, profite au mauvais. Là où par ses propres moyens le mauvais n'aurait probablement ou peut-être jamais rien trouvé de décisivement neuf pour sa défense, l'homme bon lui offre cette innovation, car en secret je ne tiens pas du tout cette maladie pour une tuberculose, ou tout au moins je ne la tiens pas en premier lieu pour telle. Je la regarde comme ma banqueroute générale. J'ai cru pouvoir continuer, je n'ai pas pu. Le sang ne provient pas des poumons, mais du coup ou d'un coup décisif porté par l'un des combattants. C'était Un livre des voix, aujourd'hui Lettre à Félix de Franz Kafka, traduite par Marthe Robert, édition Gallimard. Le lecteur était Jean Negroni. C'est une émission de Bronislav Rovitch qui était présentée par Pierre Cipriot. Cette émission a été diffusée la première fois le 16 juin 1972 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.